L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Cinquième fête des brasseurs et de la gastronomie locale, les 11 et 12 juin. Ça se passe à Tantonville, à une trentaine de minutes de Nancy, dans le Saintois. Alexandre Galland, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du foyer rural de Tantonville. La quatrième édition, c'était en 2019. Et enfin, la cinquième ? C'est ça, en 2019, et normalement, on devait la faire en 2021. La cinquième édition, mais avec le Covid, on l'a reculée en 2022. Et pour cette cinquième édition, on retrouvera cette année le musée éphémère hein, pour parler un peu de l'histoire de cette commune. C'est ça, pour retracer toute l'histoire autour de la brasserie Tourtel, puisque maintenant, on connaît la marque Tourtel de la bière sans alcool. Mais avant, c'était la brasserie qui était installée à Tantonville et qui exportait des bières jusqu'en Afrique du Nord. Hein, et c'était la première brasserie européenne. Et donc, on retrace toute cette histoire autour d'un musée. Et il y aura aussi l'histoire des autres bières de Lorraine, comme celle de Certigny, Champignol. Cette fête des brasseurs 5e édition, qu'est-ce que vous avez imaginé pour cette année ? Alors cette année, la grande nouveauté, c'est qu'elle va se faire dans un château des frères Tourtel. Donc c'est le château du Clos qui est situé route d'Afracourt. C'est un écrin naturel dans Tantonville qui va permettre aux visiteurs de se promener dans le château et dans le parc où ils pourront voir donc les brasseurs présents. Donc on a plus d'une dizaine de brasseurs qui seront présents. Donc de tout le Grand Est. Il y aura aussi un marché artisanal avec pareil une vingtaine de producteurs locaux qui seront présents. Nous aurons aussi les compagnons du devoir qui vont faire une démonstration de forge donc toute la journée du dimanche pour que les visiteurs puissent voir comment on forge des éléments. Ça c'est une nouveauté pour les compagnons du devoir aussi ? Oui, tout à fait. Et on a récupéré un wagon frigorifique de la brasserie Tourtel donc que nous allons rénover et que nous allons présenter aussi ce jour-là. Donc ce sera les 11 et 12 juin. Le 11, c'est plutôt en soirée. Hein. C'est ça. Donc le 11 juin, c'est à partir de 21h, donc c'est pour une soirée dansante type années 80. L'entrée est à 2€ dès 12 ans. Et ensuite, donc le dimanche 12 juin, ça commencera dès 9h avec la découverte du savoir-faire des brasseurs, le marché de la gastronomie locale et donc la démonstration de ferronnerie d'art par les compagnons du devoir. Ensuite, à 10h, vous aurez la visite accompagnée du patrimoine, donc de Tantonville, avec la découverte des châteaux, de la mairie, des anciennes caves de la brasserie. Le départ, c'est à la place de la mairie. À 10h, au même moment, on ouvrira donc le musée éphémère au château du Clos, avec donc l'exposition sur les brasseries de Lorraine et la présentation de l'authentique wagon frigorifique Tourtel. Ensuite, à 11h, il y aura l'inauguration officielle. Et dès 12h, vous pourrez manger à table avec l'orchestre Eric Schmidt autour d'un repas servi à table que vous pouvez réserver dès maintenant par Internet à 20€. Et sinon, sur place, il sera à 25€. Et dès 14h, il y aura des animations donc proposées par l'école de danse de Tantonville et l'école de musique du Saintois. À 16h, vous pourrez encore faire la dernière visite accompagnée du patrimoine. Et à 17h30, il y aura le tirage de la tombola. Eh bien voilà, un programme bien chargé. Vous avez dit qu'on pouvait s'inscrire sur quel site, sur les réseaux sociaux ? Pour les réseaux sociaux, oui, tout à fait, sur le Facebook du foyer rural de Tantonville. Parfait. Merci beaucoup Alexandre Galland. Vous attendez beaucoup de monde cette année ? Ah, nous espérons, oui, puisque nous relançons donc là après un an d'absence. Donc on vise les plus de 2000 personnes, oui. Rendez-vous donc pour la cinquième fête des brasseurs et de la gastronomie, les 11-12 juin à Tantonville. Merci encore. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.